Dans les derniers quarts du XIVe siècle, la belle Mila, fille du premier seigneur de Pont-de-Déumé, vivait dans le palais que ses parents possédaient dans la ville. Et tous les jours, au coucher du soleil, pour ne pas être vue, elle se rendait au bord de la rivière pour attendre les dents, un paysan fort et robuste des Cabanas, qui traversait la rivière dans les bateaux d'un ami marin pour être avec sa bien-aimée. Un après-midi, une grande tempête s'éleva soudainement. Les marins ne voulaient pas l'emmener parce qu'ils considéraient cela dangereux. Et l'aidant, un nageur expert, sachant qu'Emila l'attendait de l'autre côté de la rivière, décida de nager jusqu'au Ponte Deume. Malgré tout, il s'est déjà noyé à Cabanas. C'est à ce moment que le diable, attentif au malheur des autres, s'approche de la dame et lui propose son aide. Si tu me donnes ton âme, à l'aube, je te refais un pont. La jeune femme, Mila, désespérée de donner à l'aidant les derniers baisers d'amour, accepta. À l'aube, il restait encore une arche à terminer. Mais comme le pont était déjà presque fini, Mila put traverser et dire au revoir à l'aidant. Le seigneur de Pont-de-Déumé, lorsque sa fille lui raconta ce qui s'était passé, décida d'achever la dernière arche du pont qui reliait la ville par voie terrestre aux autres villes situées de l'autre côté de la rivière. Certains prétendent, à contre-cœur, que le nom de Pont-de-Déumé ne signifie pas Pont de l'Homme, mais pont du diable.